Genèse chapitre 22. Or il arriva, après ces choses, que Dieu éprouva Abraham, et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et t'en va au pays de Morija, et l'offre-là en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham donc s'étant levé de bon matin, mit le bât sur son âne, et prit deux de ses serviteurs avec lui, et Isaac, son fils, et, ayant fendu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin, et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant ses yeux, vit le lieu de loin, et il dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant marcherons jusque-là, et adorerons, après quoi nous reviendrons à vous. » Et Abraham prit le bois de l'holocauste, et le mit sur Isaac, son fils, et prit le feu en sa main, et un couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Et il dit, « Voici le feu et le bois, mais où est la bête pour l'holocauste ? » Et Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de bêtes pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Et étant arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham bâtit là un autel, et rangea le bois, et ensuite il lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel au-dessus du bois. Puis Abraham avançant sa main, se saisit du couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux, en disant, Abraham. Abraham. Il répondit, me voici. Et il lui dit, ne mets point ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car maintenant j'ai connu que tu crains Dieu, puisque tu n'as point épargné pour moi ton fils, ton unique. Et Abraham, levant ses yeux, regarda, et voilà derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson par ses cornes, et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste au lieu de son fils. Et Abraham appela le nom de ce lieu-là, l'Éternel y pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, en la montagne, de l'Éternel il y sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham pour la seconde fois, en disant, « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-ci, et que tu n'as point épargné ton fils, ton unique, certainement je te bénirai, et je multiplierai très abondamment ta postérité, comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence, parce que tu as obéi à ma voix. » Ainsi Abraham retourna vers ses serviteurs, et ils se levèrent, et s'en allèrent ensemble en Beer-Séba, car Abraham demeurait à Beer-Séba. Or il arriva, après ces choses, que quelqu'un apporta des nouvelles à Abraham, en disant, « Voici, Milca a aussi enfanté des enfants à Nakhor, ton frère, savoir, Hu, son premier-né, et Buz, son frère, et Kemuel, père d'Aram, et Kézed, et Azo, et Pilda, et Jilaf, et Bethuel a engendré Rebecca. Milca enfanta ses huit Anak, Or, frère d'Abraham. Et sa concubine, nommée Réuma, enfanta aussi Théba, Gam, Taïmaka.